Tous les jours je te chasse sur Snap. Un de ces quatre faudra qu'on se capte. Marre de te courir après sur Twitter. Dans ma RDV je serai à l'heure. J'mets la clé dans le contact. J'mets la clé dans le contact. J'mets la clé pour démarrer le moteur. Cherche la clé pour démarrer ton cœur. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai un gros dos, n'aie pas peur, je suis créditeur. Pour t'avoir, ils vont te mentir qu'ils sont producteurs. Je veux juste qu'on fasse un tour du ticard. Mes 4 vides sont teintées parce que je suis tricard. Les bas que pour comme des poulets fermiers. C'est peut-être le futur père des deux enfants qu'ils veulent enfermer. Je serai dans le VIP, tu vas me reconnaître. Mon gamo, c'est celui qui passe dans le ciel comme une comète. Pas temps à perdre avec les commères. Laissez-nous vivre comme on veut et niquez vos mères. Je te récupère à la sortie de ton juicy. Faudra que tu t'assoies à l'arrière avec le cosy. Chacun de mes mouvements les atrophie. Je rêve de mettre ton boulot en I comme Valentino Rossi. Tous les jours, je te chasse sur Snap. Un de ces quatre, faudra qu'on se capte. Marre de te courir après sur Twitter. Dans ma RDV, je serai à l'heure. J'mets la clé dans le contact. J'mets la clé dans le contact. J'mets la clé pour démarrer le moteur. Cherche la clé pour démarrer ton cœur. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai les crocs. J'bouffe une snack, j'fais mon rototo. J'suis en plan comme Amis Rata. Cherche-moi et tu trouves mon ratata. Jeune, j'suis un mec de thèse. Obligé de sortir de la SSS. J'ai ce qu'il te faut, pas de stress. Si t'es content, t'applaudis tes fesses. On dîne ensemble, le dozo et Zango. Je ne sors jamais sans ma conso. On va faire un arrêt à la supérette. J'prends des bonbons, des feuilles et des cigarettes. Dans la caisse, je me garde dans un coin. J'allume la radio, mon son passe et je gagne des points. Tu connais, donne-moi ton numéro. Ne me mets pas sur petit vélo. Tous les jours, je te chasse sur Snap. Un de ces quatre, faudra qu'on se capte. Marre de te courir après sur Twitter. Dans ma RDV, je serai à l'heure. J'mets la clé dans le contact. J'mets la clé dans le contact. J'mets la clé pour démarrer le moteur. Cherche la clé pour démarrer ton cœur. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.